J'fume le choco de Léonidas. Pas le bleu de chez Midas. J'suis une voix qui boit la tasse. Concert privé pour ma gauche, j'fais un price, nice. Sous mes chaussures y'a des maïs, un petit bucket et du maïs. Chaud d'argoyard, je fais mes valises. J'rejoins ma go au gigot, on y go. Il faut que je coupe mon bigot. Et le frérot m'a dit gros, qu'est-ce que t'as fait ton dico? On n'a jamais vu ton diplôme, tu vas y laisser des plumes. Si tu veux faire comme l'oiseau, tu pourrais t'endormir là-haut. Mais j'suis pas sur le bateau, j'reste pro comme les sportifs de haut niveau. Gros bisous à mes rivaux, vous êtes tous des mous du genou. J'ai toujours pas trouvé ma place et finalement je me sens pas trop mal à l'écart. J'fais avec ce jeu, pas mal les couilles, c'est pas moi qui vais distribuer les cartes. Allez maintenant, remballez tout, j'ai autre chose à faire autre part. Quelle chance, je suis pas sûr, mais elle sait faire le grand écart. Neski, Raska, l'équipe, yeah. Bassis, Karmas, Whisky, yeah. Tu t'es frit, y'a plus de massa, j'crois pas, frère. Scoo-scoo. Oula, skate it, fine. T'aimes pas mon son, nique sa mère. Fais pas l'ancien, où j't'enterre. SOS, ma famille a besoin d'elle. J'ai besoin d'elle comme j'ai besoin d'elle. Les gars des poulaillers qui surveillent les gars des eaux. Alors on fout le dégât des eaux jusqu'aux dégâts des eaux. Et c'est pas raisonnable, ça paraît sauvage. Quand dégâts des eaux craque, ça prend à l'œsophage. Alors j'me fais des eaux plats. Pour l'avenir j'ai zéro plan pour l'instant. Laisse-moi juste finir mon repas. Bisous Rasta, j'mise tout papa. Prie pour que j'sois pas ripou avare. Petite douche nageable. See you, bye bye, à plus. On se rejoint sur la lune. Quand ton petit cœur s'allumera comme les feux des voitures. Si tu me vois pas, sois sûr que j'voudrais te rassurer. Même si j'te boycotte parce que j'suis avec mon gars sûr. Ouais, mais il voulait me barber le con. Il voulait me donner des leçons. On l'a tous cramé au bar. Pas daronne bourré au rhum. Quand elle rentre, il est trop tard. Heureusement que tous les chemins mènent à Rome. Rome, Rome, quand j'mets la gomme. Et j'trouve ça chelou quand elle sent le bubble gum. Neski, Raska, l'équipe, yeah. Bassis, Karmas, Whisky, yeah. Tu t'es frit, y'a plus de massa, j'crois pas,